Chapitre 98. Le mérite de se rendre à la prière de l'Aïd, au chevet du malade, au Hajj, en expédition, aux enterrements, etc., par un chemin et d'en revenir par un autre pour multiplier les lieux d'adoration. 719. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, prenait un chemin différent pour aller à la prière de l'Aïd et pour en revenir. Al-Bukhari. 720. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de quitter Médine en empruntant la route d'Ash-Shajara et d'y revenir par la route d'Al-Mu'arras. De même, il entrait à la Mecque par le col supérieur et en sortait par le col inférieur. Al-Bukhari et Muslim. 720.